dis-moi, ah ah ah. Penses que t'es meilleur que moi, ah ah ah. Serre-moi un verre et assieds-toi, ah ah ah. Faut que je sais que tu fais pas le poids, ah ah ah. Écoute-moi, ah ah ah. Et c'est quoi, ah ah ah. Le rap va devenir chez moi, ah ah ah. J'suis dans le vaisseau avec le soir, ah ah ah. Le sang est chaud, le cœur est froid, ah ah. T'es qu'une croix, ah ah ah. C'est la loi, ah ah ah. Nous on parle et toi ta voix, ah ah ah. Pensée obscure éclaire ma voix, ah ah ah. Tout pour le bénéfice, fais rien pour toi, ah ah ah. Faut que tu vois, ah ah ah. Ferme-la, ah ah ah. Penses que t'es meilleur que moi, ah ah ah. Serre-moi un verre et assieds-toi, ah ah ah. Faut que je t'explique, tu fais pas le poids, ah ah ah. Écoute-moi, ah ah. Si tu penses être comme nous, non c'est validé. Tu penses être le meilleur mais personne t'a validé. La concurrence avec nous, ça c'est l'idée. Tu penses être le meilleur mais personne t'a validé. Validé, validé. Personne t'a validé. Validé, validé. Personne t'a validé. Validé, validé. Personne t'a validé. Validé, validé. Ici personne t'a validé. Du roro au bout des doigts. J'arrêterai pas tant que j'ai pas. Moi je vais remplir la mama. On stoppe pas. Wesh les gars, ah ah ah. Ce soir on s'ambiance ou pas, ah ah ah. Au quartier on fait rapta, ah ah ah. Regarde leur si les gars pas, ah ah ah. Tu sais pas, ah ah ah. C'est des bâtards, ah ah ah. Penses que t'es meilleur que moi, ah ah ah. Serre-moi un verre et assieds-toi, ah ah ah. Faut que je t'explique, tu fais pas le poids, ah ah ah. Écoute-moi, ah ah. Si tu penses être comme nous, non c'est pas l'idée. Tu penses être le meilleur mais personne t'a validé. La concurrence avec nous, ça c'est l'idée. Tu penses être le meilleur mais personne t'a validé. Validé, validé. Personne t'a validé. Validé, validé. Personne t'a validé. Validé, validé. Personne t'a validé. Validé, validé. Ici personne t'a validé. Viens parler sur les gens, toi t'es rempli de blabla. Fais des histoires t'inventes et jure sur la tête à papa. T'aimes bien parler sur les gens, toi t'es rempli de blabla. Fais des histoires t'inventes et jure sur la tête à papa. Si tu penses être comme nous, non c'est validé. Tu penses être le meilleur mais personne t'a validé. La concurrence avec nous, ça c'est l'idée. Tu penses être le meilleur mais personne t'a validé. Validé, validé.